Eh bien, pour nous aider de voir clair dans le labyrinthe de cette problématique, ils seront plus trois, sinon quatre autour de la table pour nous permettre, argument contre argument, exemple contre exemple, de comprendre, bien entendu, tous les schémas possibles, bien établis, bien huilés, qui seraient donc, bien évidemment, en gestation pour venir véritablement, cette fois-là, battre en brèche tous les efforts de stabilisation mis en place par le professeur président Faustin Archange Touadéra du côté de la République centrafricaine. On va donc, à l'eau pas de course, les découvrir. Le tout premier, il est justement à ma droite, analyste politique. On le connaît très bien pour ses positions sur les questions de souveraineté. Pour lui, elles sont justement intransigeables. J'ai nommé, eh bien, Bertrand Tatina qui est à nos côtés. Bertrand, bien le bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Fabrice Ndoum, je suis très content d'être là. Bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes frères qui vont nous accompagner sur cette thématique tout le long de cette soirée. Et merci de m'avoir invité. Juste à vos côtés, donc, il est journaliste, directeur de publication pour La Dépêche du Midi, celle de l'Est, André Christel Farah, qu'on ne présente plus. Bien le bonsoir. Bienvenue à vous également. Bonsoir, Fabrice. Merci de m'avoir convié à ce débat ce soir pour discuter des questions importantes de notre continent et de notre Afrique. Bonsoir à Bertrand, ravi de partager le plateau encore avec lui et l'illustre invité encore que vous allez présenter tout à l'heure. Je ne voudrais pas vous ravir la vedette, malgré que nous pratiquons le même métier, de présenter ce haut personnage qui compte pour notre continent et pour le monde entier, pour le monde des humains. Parce qu'il faut le dire, il y a un monde des humains, des vrais humains, et un monde des gens qui ressemblent aux êtres humains, mais qui ne sont pas des humains. Donc, bonsoir à la technique, bonsoir à tous ceux qui l'écoutent partout dans le monde. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Oui, c'est nous qui sommes d'ailleurs fort aises de vous avoir sur ce plateau. Vous l'aurez donc compris, le troisième, pas des moindres, les leaders panafricanistes. Ces analyses vont au-delà de la clairvoyance humaine, j'en ai dit de la clairvoyance divine. Quand j'ai dit cela, vous l'aurez donc compris, Bandakani qui est à nos côtés ce soir. Bien le bonsoir, président. Bonsoir, mon cher Fabrice Ndoum. Le plaisir est le mien d'être à vos côtés ce soir. Je ne veux pas revenir sur ce que vous représentez pour nous, panélistes, en termes d'espérance, en termes d'espoir, en termes de fraîcheur, en termes de... Vous apportez beaucoup de joie parce que vous êtes le gage du renouvellement permanent de la crème journalistique qui a assumé et continuera à assumer cette spécificité qui consiste à articuler la rigueur journalistique et l'engagement pour l'Afrique. Alors moi je vous salue, je salue Bertrand Tatina, tout le monde sait ce qui me lie à lui. Je suis toujours très heureux d'être à ses côtés, d'être avec lui sur un plateau. Et mon frère, l'apôtre Fanga, nos relations sont connues de tous. Donc, je suis très content de me retrouver avec un pareil plateau. Je pense qu'il y aura beaucoup de sérénité, beaucoup de profondeur spirituelle ce soir, beaucoup de profondeur analytique comme d'habitude. Je salue les techniciens, je salue Jérôme, je salue tous ceux qui sont à la technique. Et je salue les téléspectateurs qui sont attachés à cette émission face à l'actualité. Merci à vous, messieurs. Avant que de nous intéresser donc aux faits majeurs, ce qui constitue d'ailleurs la grosse dorsale, comment ne pas évoquer donc ce rapport du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. On peut parfois être sévère envers cette organisation, mais lorsqu'elle semble dresser des bilans qui, cette fois-là, se rapprocheraient de la réalité, eh bien, on a le devoir de nous arrêter pour y dire un mot. En tout cas, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient d'épingler le gouvernement français pour des cas, cette fois-là, de discrimination raciale et des violences policières faites sur des civils. Eh bien, des événements auraient donc été recoupés lors des différents mouvements, que ce soit ceux des Gilets jaunes ou alors le mouvement de protestation de la loi 49.3 relative donc, eh bien, à la question des retraites du côté de la France. Nous prenons cet extrait pour avoir le cœur net autour de ce sujet et on revient donner la parole à nos invités en plateau. Et au pays des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies estime que la France France doit combattre davantage les violences et les discriminations raciales. En examinant la situation dans l'Hexagone, il a été révélé que plusieurs droits humains sont bafoués. Attaques contre les migrants, profilage racial et même violences policières, le rapport des 193 États membres de l'ONU est grave. Les États-Unis et la Tunisie notamment ont appelé la France à lutter contre ces infractions. La représentante américaine Kelly Billingsley a déclaré « Nous recommandons à la France d'intensifier ses efforts pour lutter contre les crimes et les menaces de violence motivées par la haine religieuse, telles que l'antisémitisme et la haine anti-musulmane. » Le Brésil ainsi que le Japon ont déploré le profilage racial par les forces de sécurité et l'Afrique du Sud a appelé la France à prendre des mesures pour garantir des enquêtes impartiales par des organes extérieurs à la police dans tous les cas d'incidents racistes impliquant des policiers. En ce qui concerne les violences policières, le Liechtenstein a réclamé une enquête indépendante sur ses excès, tandis que le Luxembourg recommande à la France de repenser sa politique en matière de maintien de l'ordre, tandis que la Malaisie veut que les responsables soient punis. Ces derniers mois, dénonciations et critiques ont fusé contre le recours à la force jugé excessif envers les manifestants opposés à la réforme des retraites. L'Espagne ou le Royaume-Uni ont quant à eux exhorté la France à œuvrer en faveur de la défense des droits des femmes, mettant l'accent sur les violences conjugales. D'autres pays ont insisté sur les droits des femmes musulmanes. Le rapport présenté au siège de l'ONU ce lundi note également des politiques migratoires toujours plus rétrogrades, des conditions de vie inhumaines et insalubres des migrants. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a ainsi examiné la situation française avec des dénonciations ciblant de nombreux droits humains non respectés en France. Pourtant, pays donneur de leçons à plusieurs autres États, notamment sur le continent africain, Bertrand Tatinda, la France donc épinglée via le Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la question notamment du respect des droits de l'homme, la question du profilage racial qui est revenu de fond en comble. Première analyse sur ce fait d'actualité, Bertrand. C'est pas la première fois que la France est épinglée sur les questions de droits de l'homme. C'est un pays qui, à un moment donné, pour certains Africains, a symbolisé une forme d'état de droit, de respect droit de l'homme. Et puis, ils l'ont vendu aux Africains. Ils ont vendu aux Africains qu'ils étaient terre de respect droit de l'homme, qu'ils étaient une terre de démocratie. Tout à fait. Qu'ils étaient la mère, justement, de ce qu'on appelait la révolution. Et que c'est eux qui avaient rédigé les droits de l'homme. Et beaucoup d'Africains y ont cru, jusqu'à ce qu'un certain nombre de faits apparaissent. Les premiers faits qui ont apparu a été la façon dont la France a géré le problème auquel elle a fait face, la France. Mmh. C'est-à-dire que quand elle a été attaquée par le terrorisme, on peut comprendre qu'un État ait le besoin et le droit de se défendre contre des attaques terroristes. Mais dans un pays justement dit de droit de l'homme, un terroriste a droit à un procès. C'est-à-dire qu'un terroriste, d'après leur définition de droit de l'homme, un terroriste a droit à une justice équitable, à une justice transparente, comme il le demande à d'autres États, et notamment aux États africains de l'appliquer. Et on s'est rendu compte qu'eux, ils ne s'encombraient pas de ça. C'est-à-dire, quand ils faisaient intervenir leurs unités d'élite de lutte contre les terroristes, et bien les terroristes n'avaient droit à aucune possibilité de se défendre. Ils étaient systématiquement éliminés et tués. Je ne suis pas ici pour défendre les terroristes. Mon pays est attaqué tous les jours. Il ne se passe pas un jour sans que l'armée du Cameroun fait face à une attaque terroriste notre territoire. Elle se bat beaucoup, sur tous les fronts. Sur tous les fronts, elle se bat. Mais la problématique est de dire: pourquoi vous n'avez pas fait le procès équitable aux terroristes? Ce sont des terroristes. Il y a une loi antiterroriste extrêmement dure en France. Ça peut permettre même de lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire que si on fait un véritable procès aux terroristes, on peut arriver à déceler même les ramifications. On peut arriver même à déceler les complicités. Même l'essence, on peut comprendre même. C'est-à-dire qu'on peut comprendre même les méthodes d'un certain terroriste. Mais non. La deuxième des choses, c'est sur leurs propres citoyens. La gestion des manifestations. Tout à fait. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. La justice française ne se prononce pas. et s'assoit systématiquement sur les plaintes des Français qui se plaignent justement des brutalités policières. Et en ça, il faut dire qu'elle est elle a des méthodes relativement similaires à la justice américaine. Aux États-Unis, c'est même encore pire. Parce que là-bas, quand on dit droit de pays de liberté, on a comme l'impression que l'on a institutionnalisé la violence policière et le crime policier. Je vous donne un chiffre. On parle en gros de 1200 Américains qui sont tués chaque année suite à des assassinats provoqués et orchestrés par des forces de sécurité. 1300. Ça donne un ratio de combien? Chaque jour, 3 Américains meurent sous les balles des responsables des services sécuritaires. Et vous savez à quel type d'Américains sont dirigés ces violences? 99% de ces Américains sont noirs ou spanish. Vous voyez donc que ce soit les États-Unis, pays de liberté pour beaucoup d'Africains, que ce soit la France, pays de droits de l'homme, la gestion des manifestations publiques, la gestion même du pouvoir politique, la gestion des crises terroristes sont extrêmement à 180 degrés de ce qu'ils disent. Quand vous avez un pays qui n'arrive plus à écouter son peuple, je rappelle aujourd'hui que plus aucun ministre français ne peut mettre le pied dehors. Le président français n'arrive plus à aller à l'encontre de ses concitoyens. Pourquoi? Parce qu'il a trahi. Il a trahi le peuple français. Mais les Français reconnaissent aujourd'hui et disent qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous, c'est nous qui avons fait le con de mettre ce monsieur à la tête du pays. Mais quand même la représentation nationale ne peut plus jouer son rôle. C'est-à-dire, vous avez une loi inique, le peuple explique que nous ne voulons pas ce projet de loi. Vous passez à un vote d'un 49-3 qui avait été mis par De Gaulle au sorti de la guerre. Pour un moment donné, lui, De Gaulle, décidait de gouverner contre toutes les autres institutions. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, lui, décidait dans ce qu'ils appellent un 49-3. Donc, je n'ai jamais compris. On engage une responsabilité d'un gouvernement. On n'a pas engagé les responsabilités d'un gouvernement. On a demandé à la représentation nationale de débattre, puisque c'est eux les représentants du peuple. À partir du moment où on ne peut pas mettre 60 millions de Français dans une salle et débattre d'une question politique, on peut quand même mettre, comment je peux dire, que des représentants de ce peuple dans une salle pour essayer de relativement débattre. Donc, les questions des droits de l'homme en France, il y a longtemps que nous ne débattons plus là-dessus. C'est une véritable aberration. Et quand vous voyez la façon dont se comporte la justice, donc la façon dont se comportent les policiers, vous vous posez des questions. Dans une histoire de grosse corruption, de vente d'armes et de rétrocommission au Pakistan, une dizaine de Français vont perdre leur vie jusqu'à présent et réclament justice. La femme du juge Borrell, jusqu'à présent, demandait justice. Les familles des militaires de Boaké, jusqu'à présent, demandent à l'État français justice. Ah, mais je me suis dit d'être loin qui proclame. J'ai dit demande justice à l'État français. Un certain nombre de familles de militaires engagées dans des opérations comme les opérations turquoises, c'est-à-dire les opérations de brigandage, où on était envolé à l'assaut du soutien d'un régime génocidaire, demande de justice. Je ne parle pas de la famille Bembella. Demande de justice. Marthe Moumier, la veuve de Oumiobé, demande de justice. Donc, vous voyez donc que je peux passer toute ma soirée ici à énumérer des cas où l'État français, sous un prétexte bidon qu'ils appellent la raison d'État, outrepasse les droits des citoyens, viole carrément les libertés, viole les droits de l'homme. Ne parlons pas de l'épisode de la gestion de ce qu'on a appelé la crise Covid. Donc voilà ce que je peux rapidement dire sur cette question des droits de l'homme, qui pour nous reste encore pour certains Africains comme la France comme une terre où soi-disant on pratiquerait les droits de l'homme. En tout cas, finalement, la France n'est pas modèle dans la question du respect des droits de l'homme, si on s'en tient en tout cas ce rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Citez-moi où la France a déjà été un modèle un jour. Si vous avez un exemple, je me ferai le plaisir d'écouter. Peut-être modèle dans la criminalité, oui. Modèle dans la corruption, oui. Modèle dans la dépravation des mœurs, oui. Quand je cite toutes ces choses-là, c'est négatif. Donc on a affaire à un état négatif. Et c'est bien pour moi d'écouter un rapport comme celui-là, des soi-disant organisations, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est bien souvent de voir des rapports qui viennent de chez eux et qui indexent des pays comme la France. Parce que c'est incroyable que on nous dise aujourd'hui que la France a maltraité les Français à partir de l'affaire des gilets jaunes, de la désobéissance civile qu'il y a eu en France et tout ça. Mais ce qui m'étonne, c'est que aucun pays africain n'ait donné les droits de veto à la France ou bien n'ait donné des avertissements à la France. Comme M. Nicolas Sarkozy, l'un des plus grands assassins du 21e siècle, donnait souvent les avertissements à France 24 ou à RFI en direct. Hey, je donne 24 heures. Ils en donnent jusqu'à aujourd'hui. Oui, ils continuent à en donner. C'est pour ça que je dis, ça m'étonne que des pays africains ne se lèvent pas pour dire au dictateur sanguinaire, M. Macron, d'arrêter ce genre de choses. D'arrêter de tuer les Français. D'arrêter de maltraiter les Français. D'arrêter de tuer les vieillards français. Aucun pays africain ne se lève. Parce que quand vous imitez quand même des gens, parce que vous savez qu'ils sont champions de la récitation de la politique française, de la politique venue tout droit de l'Occident, c'est-à-dire non, la démocratie veut que, la liberté d'expression a dit que, les ceci ont dit que, les droits de l'homme ont dit que. Mais attendez, où sont ces Africains-là pour se lever, pour dire que, mais messieurs les donneurs de leçons, sachez que vous avez outrepassé les droits les droits humains au niveau de la France. C'est pour ça que dès l'entame de mon propos, j'ai dit, et un côté des vrais humains, et de l'autre côté des gens qui ne sont pas des humains. Suivez mon regard. Vous pouvez comprendre ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. Vous pouvez comprendre que des ONG puissent critiquer le pays des droits de l'homme aujourd'hui, le pays des lumières, qui est devenu un pays des ténèbres. Et d'ailleurs, qui n'a jamais été un pays des lumières. Parce que si vous guillotinez déjà vos rois, vous marchez sur plusieurs principes, alors vous n'êtes plus un pays de vous n'avez jamais été un pays de lumière. Donc, les résultats aujourd'hui, nous pouvons dire que bravo à la France. Elle a seulement mis à l'ordre du jour ce qu'elle sait faire le mieux, mais de manière délocalisée. Parce que la France s'est tabassée en Afrique, s'est tabassée dans ses précarés, s'est faire des violences dans son précaré. Maintenant, elle a transporté, en fait, le génie du mal, n'est-ce pas, s'est révélé au grand public maintenant en France. Parce que quand on disait aux Français que votre pays là tue les gens, massacre les gens en Afrique, ils ne croyaient pas. Ils ne savaient pas que c'est une réalité. Que la France, qui a une l'aide des pays africains pour être un pays, parce que la France n'existait plus un certain temps, parce qu'elle était sous colonisation allemande, il a fallu l'aide des pays africains pour sortir la France des griffes de l'Allemagne. C'est ce pays-là aujourd'hui qui nous donne des leçons. Quand on se rappelle que des petits soldats français se cachaient derrière les soi-disant tirailleurs quand ils entraient dans la capitale Paris, aujourd'hui, c'est ce même pays-là qui nous donne des leçons. Donc, nous sommes fiers, nous sommes contents que les droits de l'homme, les organisations de droits de l'homme internationaux puissent dire, puissent critiquer la France. Bon, critiquer, c'est peu, mais ils ne donnent pas des sanctions. Je pense que ça pouvait aller jusqu'aux sanctions. Il y a juste des interpellations. Des interpellations. Des droits de l'homme. Mais écoutez, est-ce qu'on va continuer à avoir deux poids, deux mesures? Ou des gens, vous faites seulement simplement des interpellations. Vous dites, vous critiquez. Mais quand c'est chez nous, vous donnez des injonctions, vous donnez des ordres. Mais est-ce que les ONG sont devenus les patrons des chefs d'État ou bien des pays? Mais en France, vous donnez quelques critiques, vous critiquez la politique, mais vous n'allez même pas au but, droit au but de la situation. Parce que s'il y a des morts en France, ça veut dire quand même qu'il doit y avoir des sanctions. La communauté internationale doit s'autoproclamer, bien sûr, doit sanctionner son pays membre, n'est-ce pas? Mais je garde bon espoir que nous avons pris note. Nous avons compris que même le chien change parfois sa manière de s'asseoir. Peut-être le serpent aussi souvent se renverse. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces ONG qui ont acquis une lucidité à nul autre pareil. Peut-être disons que les faits sont assez tranquilles, qu'on ne pouvait réussir à passer sous cap un certain nombre de faits macabres quand même qui sont relevés. Peut-être on n'en parle pas sur les médias hexagonaux, mais nous, Afrique Média, on a plusieurs fois relevé le fait que les manifestants étaient notamment pris à partie par l'armée qui était censée encadrer les manifestations. Donc, ils sont obligés peut-être de faire ce semblant d'effort pour essayer de rétablir un certain nombre de vérités, André. Mais vous savez que le monde a changé. Et nous avons dit, si nous ne combattons pas avec les armes, nous combattons avec la parole. Tout à fait. Et cette parole est en train de produire des effets. Ces effets, c'est que ceux qui étaient aveugles ont recouvert la vue. C'est pour ça que je peux me rappeler de ce texte d'Ésaïe 61, où l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons passé le temps à prêcher cette bonne nouvelle. Mais le monde n'est plus équitable. Les gens, les ONG qui font des rapports sur les pays africains ne sont pas des ONG normaux. Parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe chez eux. Nous pensons qu'aujourd'hui, le message que nous avons passé à délivrer sur les chaînes de télévision, aujourd'hui produit des fruits, ça a apporté la délivrance à ces ONG, n'est-ce pas? Leurs yeux se sont ouverts, eux qui étaient aveugles, n'est-ce pas? Le recouvrement de la vue, c'est ce que les Saintes Écritures disent, n'est-ce pas? Après avoir prêché cette parole, quand l'Esprit est sur vous, le recouvrement de la vue. Ces ONG, finalement, ont recouvré la vue pour voir ce qui se passe dans un pays comme la France. Ces ONG sont devenus lucides, ont quand même compris les cris, n'est-ce pas? Ils ont eu la délivrance de leurs oreilles, n'est-ce pas? Pour au moins écouter les cris des populations qui souffrent, de ces vieillards qui souffrent en France, pour dire que maintenant c'est de trop. Vraiment, ils ont eu la délivrance de leurs oreilles et ils peuvent faire au moins ce petit semblant-là. Donc nous sommes également très contents pour ce résultat aujourd'hui, pour dire que ce n'est pas parce qu'ils sont crédibles, tout à fait, mais c'est parce qu'ils veulent s'acheter une crédibilité. Ils veulent faire croire que leur décision ou leur critique ou leur rapport concerne aussi les pays occidentaux. Mais non, cher ami, vous vous mentez, on ne se laissera plus berner, n'est-ce pas, par ces rapports-là. Nous savons que ces ONG sont au service de l'impérialisme et ce sont des organisations qui accompagnent des états criminels comme la France. Merci à vous. Président André Banaka, un nouveau retour. Est-ce que l'ONU voudrait cette fois-là se donner une once de crédibilité auprès de l'Afrique? On se rappelle quand même que sur cette question du respect des droits de l'homme, on a vu toute la grosse communication qui a accompagné notamment le mandat de la MINUSMA du côté du Mali, justement, où il y avait une espèce de coupole sur laquelle reposaient désormais les actions de la MINUSMA, qui avait un droit de regard particulier sur la question des droits de l'homme. Une question assez sensible quand il s'agit d'évoquer le cas africain, mais on a peut-être l'impression que sur le cas français, il y a un peu de légèreté avec laquelle on traite cette question. Pourtant, il y a des cas graves de bavure, que ce soit au sein de l'armée et j'en passe. Ben écoutez, moi je préfère prendre simplement acte, parce que je pense que vous êtes un peu trop dur envers vous-même. L'ONU ne fait que suivre ce que nous faisons, ce que nous disons depuis des années. Vous avez été les premiers à démontrer et à alerter le monde sur le fait que il n'est pas possible d'être un état impérialiste colonial, surtout en plein 21e siècle, et revendiquer un quelconque attachement aux droits de l'homme. Alors, soit les droits de l'homme sont universels, soit ils ne sont pas. Et basta, comme on dit au quartier, basta, on ne perd pas le temps. Donc, ne comptez pas sur moi pour donner de l'écho à l'action symbolique du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, qui surfe sur un contexte mondial où la suivi de l'ONU est désormais mise sur la table pour faire des opérations de communication à grande échelle, faisant croire aux naïfs qu'elle peut parler aux puissances. Elle peut interpeller les puissances sur leurs agissements en la matière. Les puissances, en particulier la communauté internationale autoproclamée, est la négation même des droits de l'homme. La négation. Je ne sais pas comment ça aujourd'hui. Faut-il rappeler à l'ONU, faut-il rappeler à l'ONU que c'est dans sa charte qu'elle consacre la notion de l'indivisibilité des droits de l'homme. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, on ne sépare pas les droits de l'homme en droit politique d'un côté, en négligeant les droits économiques et les droits sociaux. C'est un tout, d'où l'idée de l'indivisibilité des droits de l'homme. Mais il y a très longtemps que l'ONU a décidé de politiser les droits de l'homme, de géopolitiser les droits de l'homme et d'abandonner, de faire comme si les droits de l'homme consistaient simplement à réciter les bêtises, n'est-ce pas, bref, l'ONU a repris à son compte, n'est-ce pas, l'idée des droits de l'homme, marketing civilisationnel, marketing géopolitique, servant de cache-sexe aux impérialistes occidentaux pour détruire les nations, imposer leur tyrannie, n'est-ce pas, sur le monde. Donc c'est là qu'il s'agit. Donc à partir du moment où une organisation elle-même viole ses propres viole sa propre charte, la piétine, n'est-ce pas, au gré de son essence partielle. C'est-à-dire que l'ONU a été créée par justement cette puissance-là à quelques détails près, et que très rapidement, pour isoler la Chine et la Russie, elle a inventé l'idée de la communauté internationale qui lui permet de se foutre de l'ONU, c'est-à-dire que de se foutre de ça. Donc chaque fois que la Chine et la Russie peuvent bloquer au Conseil sécuritaire, la communauté internationale remplace l'ONU et ils agissent. Donc une organisation qui trahit sa propre charte, qui fait peu de cas de sa propre charte, ne me dit pas de la considération de mon point de vue. Donc, les droits de l'homme dans le monde aujourd'hui, dès qu'on en parle, sont en situation depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on peut compter depuis quand l'ONU interpelle les puissances occidentales, sur en la matière, on peut compter. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt saluer l'action des panafricanistes qui, depuis très longtemps, ont modifié les thèmes du débat, ont imposé avec beaucoup de pertinence une nouvelle, à frais nouveau, l'idée, l'enjeu des droits de l'homme, en démontrant que, n'est-ce pas, les puissances impérialistes ne peuvent pas être en même temps, comment on dit ça, les chantres ou bien les dépositaires des droits de l'homme, en même temps qu'ils nient ces droits de l'homme pour le pays, n'est-ce pas, dont ils qui se mettent au feu de l'oppression. Donc pour nous, je prends simplement acte. D'accord. Alors, bon, concernant la France, ça me fait sourire. Betanta Sindar et les autres ont convoqué un ensemble d'arguments sur lesquels moi je ne vais pas revenir. La France est une puissance coloniale en plein 21e siècle, on a démontré. Laissez les manifestations, après tout le monde en parle, on voit. Mais vous connaissez la situation qu'il y a dans les territoires d'outre-mer, en France? La France colonise son propre pays, son propre territoire, et colonise ça. Ce qui se passe dans les territoires d'outre-mer, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, dans les Antilles françaises, là, ce qui se passe, ce qu'ils appellent en plus, ce sont des territoires français. Et ces peuples sont supposés être français. Tout à fait. Mais leur malheur, c'est qu'ils sont noirs. Pour la plupart, ils sont noirs, et la France continue à penser. La France pratique, n'est-ce pas, une politique de remplacement, de grand remplacement, c'est-à-dire qu'il est question à l'avenir de, à défaut, de blanchir ces populations, et bien, simplement, l'enjeu, simplement, c'est de les effacer. Donc, il faut, si vous allez consulter, si vous vous attardez sur la situation dans les dom-tom, j'utilise leur expression, dans les dom-tom, et ce qui est, c'est l'apartheid, c'est la colonisation, et c'est l'apartheid. Donc, à partir de là, on dit que si les gens même comptent son, cette partie d'elle-même, entre guillemets, cette partie de la France, ils sont pratiqués dans ces pays-là des politiques d'apartheid, des politiques de colonisation, un peu comme les Israéliens font là-bas avec les Palestiniens. Quand vous regardez ça, moi, ça me fait rire qu'aujourd'hui, l'ONU n'a jamais, ne s'est jamais penché sur ces questions-là. L'ONU fait comme si les dômes tombent, ça c'est pas sur la terre, que ce ne sont pas les territoires français, et que là-bas, il y a des peuples qui sont censés être français, même s'ils sont noirs. L'ONU, là, elle parle de l'immigration. Mais allez voir ce que vivent les populations, n'est-ce pas, les populations des Antilles françaises, de cet endroit-là. Vous allez comprendre que mais, c'est quand même étonnant que. Mais on, où est-ce que la France prend le culot de parler des droits de l'homme? Elle prend ça où? Vraiment, en manipulant sa prétendue révolution française, son prétendu siècle des Lumières, alors qui justifierait tout. On dit que on a fait les Lumières, on a fait la Révolution française, donc nous sommes la partie des droits de l'homme. Voilà, même si dans les faits, on a nié depuis très longtemps les Lumières. D'abord, les Lumières se sont niées elles-mêmes. Ce qui est un peu d'histoire. Fameuse Révolution française, c'est-à-dire qu'elle a démontré elle-même son rapport aux droits de l'homme. Ce n'est pas moi qui ai inventé la terreur. Robespierre, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ce n'est pas un Africain, Robespierre. Alors, la terreur qui s'est passée là-bas, la Révolution française, comment on connaît ce qui s'est passé dans le rapport de la Révolution française à la question de l'esclavage, etc., à la question des Noirs. Ce n'est pas aujourd'hui que cette affaire-là a commencé. Donc, vraiment, je crois que nous n'allons pas nous attarder sur les campagnes. C'est un sujet d'accueil. Sur les campagnes de communication de l'ONU. Mais donnez-moi, je vais insister sur deux autres sujets avec votre permission. Ne me faisiez pas cette audience que j'ai aujourd'hui. Vous me le permettez? Allez-y, prie. Je vous en prie. Je vais dire deux mots que je te passe au Cameroun. Deux faits rapidement. Il y a l'affaire du boycott mot d'avion. C'est mot d'avion. Tout à fait. C'est une initiative des citoyens. N'est-ce pas, qui a été prise par David Ebotou, et je crois aussi dans une certaine mesure Karès Fosso, l'artiste musicienne, qui ont lancé, n'est-ce pas, ils sont à la tête, à l'origine d'un mot d'ordre, mot d'avion, qui consiste à boycotter Orange et MTN pour, comment dire ça, le braquage en matière de prix, n'est-ce pas, qu'ils opèrent, c'est pas sur les populations. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un ensemble de voix s'élèvent, n'est-ce pas, pour défendre, comme d'habitude, Orange et MTN. Il y a certains qui s'élèvent là. Moi, je vais citer des noms. Jean-Marie Cacdeux, un certain Essomba. Il s'appelle qui c'est Essomba. Il intervient dans une chaîne là. Je ne vais pas citer le nom ici. Essomba. Alors, l'argument, c'est quoi? Cacdeux dit que non. Comme Camtel, que c'est Camtel qu'il faut accuser. Que c'est une honte de s'en prendre à MTN Orange, alors que Camtel est là. Hein, si on abandonne Orange et Camtel, Orange et MTN, on va aller où? Hein, on n'aurait même plus l'opportunité de communiquer. Il faut s'en prendre à Camtel qui est mal géré, qui est mal gouverné, et tout et tout et tout. Vous voyez les arguments comme ça pour justifier. Vous avez d'un côté M. Essomba, l'économiste Essomba, qui dit que non, il faut laisser les Orange et MTM tranquille, parce que les multinationales ont pour rôle de faire du bénéfice. Tout à fait. Alors, je voudrais convoquer ces deux documents pour vous démontrer le niveau de l'intelligentsia, d'une certaine intelligentsia autoproclamée camerounaise. Quand vous écoutez M. Cacdeux, qui est le conseiller de M. Fondi en matière économique, ISIF. Il est apparemment aujourd'hui l'économiste attitré du ISIF. Pour lui, MTN et Orange sont donc des philanthropes qui ont épluché les Camerounais et sont venus nous apporter le salut téléphonique, et que donc Camtel et l'État camerounais, Camtel vraiment ennemi du Cameroun, empêche, n'est-ce pas, MTN Orange de donner le téléphone gratuit. Est-ce qu'on doit rappeler à ces gens que, mais est-ce qu'on doit rappeler à M. Cacdeux que c'est pas un tel, qu'un tel rapport n'est pas envisageable en matière d'économie, et que vous ne pouvez pas justifier le comportement de MTN Orange par Camtel? C'est pas possible, ça. C'est pas Camtel qui définit la politique commerciale ou la stratégie économique d'Orange et de MTN. C'est pas Camtel. Donc, ça veut dire que c'est quand même extraordinaire d'écouter ce genre d'arguments qui transforment, n'est-ce pas, des opérations de banditisme purement économique où deux entreprises organisent une forme de oligopole pour piller, pour voler les Camerounais, mais avec des marges impensables et inacceptables. C'est-à-dire que le prix qu'on fixe ici, là, quand c'est en France, là, un gars peut faire un an avec ça, il appelle à tout réseau dans le monde entier, il ne paye rien, un forfait, le prix que vous avez ici. Moi, j'ai mon frère qui vient à l'étranger, quand il vient ici, ben, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Moi, je charge mon téléphone pratiquement, quand, si je dois évaluer mes coûts téléphoniques, mais en semaine, en termes de connexion, je me retrouve souvent à près de 6 000 francs. Dieu sait ce que je trouve un comment dire ça. Je m'en sers pas trop. C'est-à-dire que vous chargez, je charge 3 000. Une journée, c'est terminé. J'ai connexion Internet. Hein. Mon petit frère me dit que président, il me dit que grand frère, avec ça, tu vois, ton forfait là en France, j'en ai au moins pour 2 ou 3 mois, j'appelle à tout réseau, je ne paye pas. Il est même là actuellement. Donc, des coûts exorbitants, des économistes camerounais justifient ce comportement de MTN Orange en disant que non, c'est à cause de Camtel. Mais mon cher ami, tu es dans une société, tu es dans un pays, tu es dans un marché, mais quand le marché n'était pas favorable, la loi est claire, tu t'en vas. Je parle de la loi de l'économie, hein. Je parle pas de la loi de l'État. C'est-à-dire qu'aucun investisseur ne fait de la philanthropie. On n'investit pas à perte. On n'investit pas à perte. Donc, ces arguments sont effrayants. Quant à M. Soma qui nous dit que, ben, ok, les multinationales ont pour rôle de faire le profit. Mais dis donc, il y a plus capitaliste qu'aux États-Unis, que dans les pays occidentaux. Mais est-ce que là-bas, on fait n'importe quoi? Est-ce que là-bas, on fait n'importe quoi parce qu'on doit faire du profit? C'est-à-dire que même dans les pays les plus capitalistes du monde, où la loi, c'est le capitalisme, mais est-ce qu'on fait n'importe quoi? Est-ce qu'on fait n'importe quoi là-bas? Est-ce qu'ils parlaient d'amener les prix des forfaits, les prix de la connexion aux États-Unis, en France, en Europe, en Allemagne, mais qui les voit? Est-ce que pourtant ils font faillite là-bas? Dit-on. Est-ce qu'ils ont fermé leurs entreprises là-bas? Et ça font faillite. Comment on peut être aussi ridicule? On oublie que, un, c'est des prestations de services, on l'appelle sur le secteur tertiaire. Et que pour venir investir dans un pays, vous étudiez le marché. Quand le marché n'est pas promoteur, au niveau des études, vous n'investissez pas. Vous abandonnez. Aucun investisseur ne vient investir en sachant qu'il va perdre. Il peut avoir des surplus de marché, même jusqu'à là encore. Jusqu'à là encore. Donc, on étudie le marché. On investit, il y a les garanties des investissements. Parce qu'il faut rappeler ça. Tout ça est garanti, hein, et protégé. Mais en plus, on se fait des marges. C'est un prix. Quand on dit qu'on vend tel produit à tel prix, les marges sont déjà calculées. Vous faites des marges. Non, il dit que non. Alors, on peut voler les Camerounais comme ça, voler les citoyens, et monsieur Sommé estime que non. C'est normal parce que c'est le profit. Mais est-ce que le profit, de manière littérale, est-ce que le profit c'est le vol? Mais sinon on dirait que commercer, c'est voler. Aucun commerçant ne vous dit ça. C'est nous qui analysons, on dit que c'est le vol. Mais tous les commerçants vous disent que non, le profit c'est pas le vol. Ils vous présentent le profit comme étant la rétribution, soit d'une prestation qu'on vous vend, soit la rétribution de la valeur ajoutée qu'on a créée. Mais la science a démontré que dans l'industrie, c'est le vol, la plus-value, c'est démontré. Mais vous ne verrez aucun homme d'affaires, aucun acteur du secteur privé vous dire que non, moi je vole. Il vous dit, je crée de la richesse. Mais ce malou dit que non, c'est normal de voler. Parce que notre rôle, c'est faire du profit. Donc je vole, je vole. Donc moi j'ai tenu à dénoncer ça, mon cher, à dire que vraiment, il faut souvent citer qu'on n'a rien à dire. Faut pas présenter au monde, comment on dit ça, montrer aux gens qu'on est aussi léger et qu'on court après, je sais pas, des formes de rétribution, de reconnaissance, de parrainage, n'est-ce pas, par ces multinationales. C'est honteux. C'est-à-dire qu'il faut venir avec des arguments plus sérieux. Je ne vais pas insister sur la question du tribalisme. D'accord. C'est le même Somba, n'est-ce pas, être fort quand il faut dénoncer, n'est-ce pas, il se met en profondeur le tribalisme à sa manière. Je ne vais pas faire. On ne va pas y revenir, je vous en prie. C'est un débat sur lequel nous, on descend pendant tout pendant ce genre de choses. Mais quand on voit quelqu'un comme ça qui fait la promotion des multinationales dans les pays africains, ça pose problème. Merci, merci à vous, président Badakani, le quatrième invité, pas de moine, qui nous a rejoint, un pays qui connaît très bien la France. Professeur Jean-Paul Mbelek, j'ai ainsi nommé, bien le bonsoir, merci de nous retrouver. Et on vous accueille donc à chaud, avec notamment cette interpellation du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui épingle donc véritablement la France. Est-ce qu'on doit y croire véritablement à la bonne foi de l'ONU qui voudrait interpeller, alors rappeler à l'ordre l'un des 16 États membres, notamment la France? Oui, alors d'abord, merci de m'avoir invité. Bonjour à toi, Fabrice Ndoum. Bonjour à mes copanélistes, hein, président Bandakani, Bertrand Tatsinda et puis Fanga, le pasteur Fanga. Bonjour à toi et tes spectateurs, l'équipe technique. Et excusez-moi pour être arrivé un peu tardivement. J'aimerais d'abord dire un mot sur ce que le président Bandakani vient de dire et deux autres sujets avant de répondre, si vous me permettez. Je vais être bref. Allons-y, d'accord, allons-y rapidement. Le premier, c'est que je vais dans le sens de ce que tous les consommateurs camerounais disent par rapport à ces opérateurs multinationales étrangères, y compris MTN, qu'on nous a présenté comme africains, sud-africains, mais en fait, ouais, ils sont bien de connivence avec Orange, ils s'entendent très bien. Hein. Alors, donc, personnellement, j'ai reçu beaucoup de notifications sur ma carte d'identité, qu'il fallait faire l'identification. Donc, ma carte d'identité, avant même que... En fait, c'est un récépissé qu'on me donne, vous savez pourquoi. Ça fait déjà 2 ans que je n'ai qu'un récépissé. Alors, un peu plus de 2 ans même. Donc, j'ai renouvelé ça. J'ai été donc à MTN, en ce qui me concerne MTN, parce que moi j'ai barré Orange. Je vais à MTN, j'ai présenté ça, et puis ils ont enregistré. Je leur ai fait savoir qu'il faut qu'ils je ne veux plus entendre des notifications intempestives. Monsieur, votre CNI, on n'a pas reçu, tout et tout. Parce qu'avant même d'aller renouveler, je reçois ça déjà. Et le lendemain même, je commence à recevoir. Jusqu'aujourd'hui encore, j'ai reçu la notification. Alors que j'ai fait plus de 2 heures de queue. C'était le lendemain de la première journée du mot d'avion. Oui, eh ben, il y avait une queue. J'ai fait 2 heures de queue pour être reçu pendant 5 minutes seulement. Parce que l'enregistrement, ça prend à peine 5 minutes. Et j'ai fait 2 heures de queue, 2 heures d'attente à l'intérieur, et juste voilà. Et finalement, pour que je continue encore à recevoir des notifications, vous voyez qu'il y a un mauvais fonctionnement. Non seulement leurs tarifs sont chers, mais ils se moquent du consommateur. Ça, c'est élémentaire, mon cher Watson. Ok. Donc, ça va dans le sens de ce que tout le monde dit ici. Voilà, et les Somba, je ne sais pas qui encore là, bon, on a compris, c'est-à-dire que peut-être qu'ils attendent quelque chose de ce. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont encore rien compris au sens de la lutte aujourd'hui. Alors, dans le second sujet, j'ai été contacté par une dame qui, dans leur village là-bas, là, c'est un pays sans pays, Bassa, dans l'Union Ekele, aux régions du centre. C'est le village Songled. Il y a là-bas une dispute de chef. Je sais que ça se fait à l'ouest. Mais il faut croire que maintenant, pays bas, ça aussi arrivé. Et c'est un problème familial. Donc, je voulais quand même parce qu'ils m'ont beaucoup sollicité, je les ai dirigés chez qui de droit. Donc, je voulais quand même qu'au moins ça s'entende. J'ai eu vent de cette affaire. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. En tout cas, c'est une affaire de famille, c'est ce que je comprends. Mais il y a une des parties qui est à l'administration pour elle. Je veux quand même faire comprendre aux gens que lorsqu'ils ne s'entendent pas dans la famille et qu'il faut intervenir un sous-préfet, par exemple. Le sous-préfet, lui, n'est pas de la région. C'est eux qui risquent d'être perdants à la fin. Il faut qu'ils sachent qu'ils viennent de mettre, nous savons comment sont les Camerounais, un loup dans la bergerie. Donc s'ils n'arrivent pas à s'entendre au niveau de la famille, franchement, ils vont être perdants à la fin et ils n'auront que leurs yeux pourpurés. Bon, leur intelligence doit être fonctionnelle. L'autre chose, avant de prendre la question, c'est Cléopâtre. C'est Netflix qui doit sortir bientôt un documentaire, dans quelques jours là, sur Cléopâtre. Et c'est la femme de Will Smith qui a la tête de ce documentaire. Et celle qui représente Cléopâtre dans ce documentaire, un film ou une fiction. C'est présenté comme un documentaire. Dans ce documentaire, celle qui joue le rôle de Cléopâtre est noire. Une noire américaine. Et une afro-américaine. Une africaine-américaine. Et ça offusque des Égyptiens. On ne sait pas. Aujourd'hui, ils ont découvert qu'ils sont Égyptiens. Ils réclament l'Égypte ancienne. Ils disent qu'eux ne veulent pas que ce soit noir. Maintenant, Cléopâtre était joué par Liz Taylor. Une blanche, pure jus. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Et les Ramsès, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Quand même, Ramsès ne dépend d'aucun grec. Bon, maintenant, je vais dire autre chose. Hein. Il n'est pas prouvé. J'entends des gens dire que Cléopâtre est descendant de Ptolémée l'Agide, qui était macédonien. Donc, par conséquent, c'est les Européens. Ils sont forcément des Blancs. C'est pas vrai. Tous les pays du monde, et surtout l'Europe, hors d'Afrique, sont des continents de souche des Noirs. Ah non, non, non, il faut être logique. L'homme est né en Afrique. Tous ces pays sont des continents de souche des Noirs. Il y a plusieurs peuplements. Dans la préhistoire, dans l'Antiquité, il y avait bien des Noirs qui allaient en Europe, indépendamment de ceux qui étaient déjà là, qui sont les descendants des Noirs de la préhistoire, qui étaient déjà là. Je pense à l'homme de Shédar en Angleterre, par exemple. Mais et ceux qui voyageaient dans l'Antiquité, hein, et même, dites-vous que jusqu'au 18e siècle, je pourrais en dire beaucoup là-dessus, hein, jusqu'au 18e siècle, en même temps qu'il y avait le commerce esclavagiste, l'holocauste des Noirs, hein, mais les Noirs allaient en Europe librement. Ils montaient même dans des bateaux où les capitaines sont blancs. Et ça se faisait dans les deux sens. C'est à partir du 18e siècle, et la crête négrière augmente vraiment comme une flèche, que maintenant la mer devient un danger pour les Noirs. Les Noirs allant en Europe. Je signale également que la cour d'Angleterre, jusqu'au 18e siècle, 16% sont des Noirs. J'inclus là-dedans Noirs et Métis. Noirs seuls, c'est 10%. On a les livres bien documentés. Ils sont comptes, ils sont ducs, ils sont tout ça. Donc, en ce qui concerne Cléopâtre, nous avons quand même une étude qui a été faite sur les Grecs. Cette étude, que bien sûr les européocentristes remettent en cause, alors que les auteurs sont des Européens eux-mêmes, c'est des chercheurs européens en biologie, en biologie moléculaire. Cette étude parle de l'origine subsaharienne des Grecs. C'est parti après le démantèlement de la Yougoslavie. C'est l'étude des gènes HLA chez les Macédoniens et l'origine subsaharienne des Grecs. C'est la traduction même du titre. Okay? Et ils expliquent même à quel moment le sang noir passe chez les Grecs. Et les Noirs en question, c'est qui? Eh bien, il s'agit de Wolof, de Serer, de Oromo, de Peul et d'autres Africains. C'est ça. Et l'hypothèse qu'ils font à la fin, c'est que ça a dû se passer à l'époque de l'Égypte ancienne. On oublie que l'Égypte a utilisé la Grèce. On oublie que l'écriture des Grecs vient. Les Grecs n'ont pas de mots pour dire écriture. Ils disent les choses phéniciennes. Parce que c'est dans leur propre mythe, c'est Kadmos, le phénicien qui leur amène l'écriture. Kadmos, dont le père est Agénor. Agénor lui-même était un égyptien d'origine. Et puis, sa sœur, c'est Europe. Le nom Europe même est un nom africain. Puisque la sœur de Kadmos, c'est elle qui est Europe. C'est Zeus qui l'a enlevé et l'a emmené en Europe. Et mais depuis, on appelle le continent Europe. Mais Europe est un nom phénicien. Ce n'est pas. Ils n'ont pas de mots, les Grecs, pour dire écriture. Et même les Latins n'ont pas. Quand on dit écriture, en latin même, ça veut dire gravé, scriptum, gravé. Mais moi, en bas ça, je peux dire moite, gravé, je peux dire tila, écrire. C'est pas le même mot. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une origine subsaharienne, d'ailleurs, même l'homosexualité de la Grèce, on peut l'interroger. Pourquoi l'homosexualité commence avec les Grecs? Mais si les Égyptiens ont civilisé les Grecs, et qu'ils étaient très civilisés, et que toutes les femmes grecques ne voulaient aller qu'avec des Égyptiens, il restait combien de Grecs avec des femmes grecques? Bah, ils ont commencé à copuler ensemble, entre hommes. Puisque les femmes grecques préféraient aller avec les... C'est comme ça que le son africain... C'est une hypothèse de travail. D'accord. Mais je veux dire que cette base-là, n'ayant aucun portrait de Cléopâtre, aucune hypothèse n'est incluse, même si elle est macédonienne, il n'est pas prouvé que tous les Macédoniens étaient des Blancs. Europe ne veut pas forcément dire blanc. Puisque aujourd'hui encore en Macédoine, il y a des Noirs. Moi, j'ai une élève noire. C'était juste un commentaire de Macédonie. Bon, ne prenons pas ces temps sur ce fait. La culture générale, c'est important. Parce que ça permet de comprendre même la question que tu vas me poser. Pose-la alors. Ah, absolument. Non, j'attends. Pose-la. En tout cas, juste une réaction, notamment sur ce rapport du Conseil des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme, effectivement, de l'ONU, qui épingle la France, qui est désormais, on va dire, un mauvais élève sur le cas du respect des droits de l'homme. Bon, comme beaucoup de gens ont déjà parlé, et que j'ai aussi parlé des sujets qui étaient en dehors, et que tu veux gagner du temps. Tout à fait. Je vais donc être le plus bref possible. D'accord. Laconique, comme le sait faire quelqu'un qui a l'esprit mathématique. Les gilets jaunes, vous savez, il y a eu des morts déjà. Moi, de toute ma jeunesse, j'ai près de 50 ans de vie en France, je n'ai jamais vu ça. Mais ça s'est fait avec Macron. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, les membres du gouvernement Macron lui-même ne peuvent plus se promener librement en France. Dans leur propre pays, soi-disant, ils ne peuvent plus se promener librement. Le président de la République ne peut plus se promener librement. Ils ont déclaré que les gens qui font les bruits de casserole, là, parce que maintenant il y a un mot d'ordre qui constate, dès qu'il y a des officiels français là, on fait des bruits de casserole, tant que cette loi sur la retraite ne sera pas reconsidérée. Okay? Et ben, il y a des sous-préfets, des préfets là qui les traitent de terroristes. Ils veulent appliquer la loi antiterroriste sur ces gens-là. Parce que Macron, dès qu'il va quelque part, le peut. Donc maintenant, il commence à faire des voyages qu'il n'annonce pas. Alors, je vais donc pour ça lire seulement quelque chose. C'est l'article 432.4 du Code pénal français. Revu, corrigé en 2002. 1er janvier 2002. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Etc., etc. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une défense, une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. C'est-à-dire que les préfets, les sous-préfets là, qui veulent appliquer les lois antiterroristes à tous ces manifestants qui protestent contre Macron, et ça, voilà à quoi ils s'exposent. Effectivement, j'ai appris qu'il y a un des sous-préfets qui a déjà retiré sa plainte, parce qu'il a voulu porter plainte comme une organisation qui avait remis en cause le fait qu'il voulait interdire aux manifestants de manifester. Mm-hmm. Il a retiré, parce que je crois qu'il a dû lire cette loi-là. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont punissables. On n'a pas droit, d'après et ça c'est pas si vieux, 2002, c'est il y a 21 ans seulement, mm-hmm. Okay, on n'a pas droit d'empêcher quelqu'un d'exprimer son opinion en France. Or, c'est ce qui se passe en France. Il y a même les brigades, là, à présent, Bandakani en parle souvent, on a déjà parlé plusieurs fois, européennes, là, au jeu fort, c'est pas quoi. Au jeu fort, voilà, ouais. Qui sont là pour brimer les gens. Mmh. Okay? Eh bien, ça prouve que c'est bien la junte civile française. L'État français est devenu policier et dictatorial, avec Macron, sous les ordres des 13 familles. Et donc, je chute là-dessus. Nous sommes totalement solidaires avec le peuple français. S'ils n'ont pas eu d'empathie pour nous, Nous avons l'empathie pour eux parce que nous sommes la première humanité. Et ça rejoint ce que j'ai dit avant. Il faut bien qu'ils réfléchissent. Tous ces gens-là qui sont perdus, par exemple les Égyptiens dont j'ai parlé là, leur discours n'est qu'un discours, ils reprennent celui des 13 familles anti-nègres. Parce que la base de ce système est d'abord anti-nègres. Et il faut bien que les gens y comprennent que nous, étant la première humanité, et on en a conscience, nous on défendra toute humanité partout où elle est. Par contre, eux ne le font pas. Tant pis pour eux. Parce que leur propre humanité en prend un coup. Et je crois que c'est Fonga qui disait tout à l'heure que jusqu'au jour où ça leur arrive, maintenant ils se rendent compte. Voilà. Donc, nous, on sera solidaires et on est prêt même à, s'il faut même les libérer, comme on l'a déjà fait pendant la Seconde Guerre mondiale, on se libère nous d'abord. On peut les libérer. C'est pas un problème. Parce que c'est une humanité que nous reconnaissons. Sinon, ce sont que les descendants d'Africains. Ok. Bon, j'ai chuté. Allez, merci. Merci à vos professeurs, Jean-Paul Bellet. On est totalement solidaires avec les Français. Merci infiniment. Afrique Média, le monde. C'est nous.